En gare de Calcutta, les trois voyageurs sont arrêtés et jugés sans délai. Trois prêtres de Bombay, poussés par Fix le détective, se sont plaints de la profanation d'une pagode par Passepartout avec la complicité de son maître. Pour échapper à la semaine de prison qui les retarderait, Fogg paie une forte somme en guise de caution et, avec Missy Aouda, ils peuvent s'embarquer sur le Rangoon qui doit les amener à Hong Kong. Fix, qui a aussi embarqué sur le Rangoon, se rapproche de Passepartout, très bavard en ce qui concerne son maître. Et Fix espère en savoir plus sur la jeune femme qui les accompagne. Arrivé à Singapour avec une demi-journée d'avance, Fogg et Missy Aouda s'autorisent une balade, suivie de près par Fix. Mais Passepartout soupçonne Fix d'être un espion du Reform Club et Fix se croit démasqué. Il rentra dans sa cabine et se mit à réfléchir. D'une façon ou d'une autre, le Français avait reconnu sa qualité de détective. Mais avait-il prévenu son maître? Quel rôle jouait-il dans tout ceci? Était-il complice ou non? L'affaire était-elle éventée et par conséquent manquée? L'agent passa là quelques heures difficiles, tantôt croyant tout perdu, tantôt espérant que Fogg ignorait la situation, enfin ne sachant quel parti prendre. Cependant, le calme se rétablit dans son cerveau et il résolut d'agir franchement avec Passepartout. S'il se trouvait dans les conditions voulues pour arrêter Fogg à Hong Kong, et si Fogg se préparait à quitter définitivement cette fois le territoire anglais, lui, Fix, dirait tout à Passepartout. Ou le domestique était le complice de son maître, et celui-ci savait tout, et dans ce cas, l'affaire était définitivement compromise. Ou le domestique n'était pour rien dans le vol, et alors son intérêt serait d'abandonner le voleur. De quatre personnages arrivent à Hong Kong avec 24 heures de retard. Mais suite à une avarie, le Carnatic, le paquebot pour Yokohama, est retardé. En outre, le parent de Missy Aouda n'habite plus Hong Kong. Il est parti en Hollande. « Que dois-je faire, monsieur Fogg ?» dit Missy Aouda. « C'est très simple, » répondit le gentleman. « Revenir en Europe. Mais je ne puis abuser. Vous n'abusez pas. Et votre présence ne gêne en rien mon programme. Passepartout ?»« Monsieur, » répondit Passepartout, « allez au Carnatic et retenez trois cabines. »